Comme Sarko, je nique Carla Bruni. J'tise la vodka, j'm'en bats les couilles de vodka. Fuck les juges, j'ai pas besoin d'avocat. J'traîne sur ton quai de gare, j'ragale même si j'pose sur du raga. J'suis hardcore comme son 4, trop de soucis sans cesse. J'veux rouler en 607, mec, j'suis pas les fous quand t'es tout seul. J'annonce un vrai brasier, levez les bras, révolution phrasée. On a les phases et phrases, faux, smagné, maillé, MDB, gomaillé. Parti de rien, nous arrêter, y'a pas moyen. Indépendant, même sans urban, on reste doyen. C'est le son de la hure, sans un craquant, mec, mets-toi bien, nerf-toi la tombe. Pour la famille, pète narration, MDB prod, mes faits divers, déflagration. Hardcore, rage, vénère, c'est pas de la chorale. C'est encore moi le petit connard, la voix puis un collage. J'suis trop hal, entre mes acrobates et mes drop bars. C'est dommage, j'vais choquer la France comme une prise d'otage. Râle pas des grosses stars, je puisse le temps avec ma bite de bar. J'm'aène à la rage, la rue fait ma piste de bac. Donc on éclate le score et coupe la gorge aux fans de schlar. Ce 8 nous met tous d'accord, c'est pour le gouffre et les fans on de schlar. On met le rap en panade, v'là un autre couple et qui tape dur. Ça vient du bas de Paname, un autre négro dans vos murs. Ici ça se tape man, ça parle grave. Tout pour le rap game, y'a pas de bas de gamme. C'est la bagarre et tous les wax saignent. Un autre fait divers, et ça sent l'homicide. Les homies visent, va dire au commissaire qu'ils sucent nos gros missiles. C'est la patate et les bastards se mettent à tailler. Y'a des pare-balles sous les parkas et les wax mettent à brailler. On est tous prisonniers du bitume, parce qu'on n'a pas thune. On rêve tous de percer la lune avec notre plume. Mais les choses se resserrent dans l'infortune. Touche pas ma famille, sinon je t'allume. Si tu dois de la thune, paye sinon tu fumes. Comme cette fumée que j'accumule qui m'enfume. Ambiance par mon seum, tout pour la thune. Paye, paye, paye, sinon on te fume. Elle a prouvé aux petites salopes, tu comprends ça. Ça fait l'intéressant, plus à fond son hip-hop avec un son gangsta. Ouh, ça sent le faible et la faiblesse, c'est ce qui fait la diff. Entre mon saut, c'est une sale race avant qu'elle prenne sa gifle. Maintenant je ne tire de la merde que ceux qui tirent ma château. Ne tourne pas le dos, ni à toi, ni au képi qui faisait la voix de Ludi. Ou pire l'accent qui chante, comme dit qui Olgat. Bon, on l'a pas fait. Y'a que tu qui peut me faire mal puisque le chétan est à la tarté. Mais je m'en bats les couilles de ce que tu fais pour être dans les journaux. C'est ceux qui en parlent moins qui en font le plus, tu connais la chanson. Moi je te baise avec des histoires à dormir debout. J'ai les yeux rouges de haine, toutes tes salades méritent qu'on te brise le cou. Même mon feu de patate, vu que tu n'es qu'une fausse couche. Mec, t'y cave ta ganache, si tu te pégais et ça bouge. Ça leur réfléchit bien avant de parler ou même d'agir. Moi j'évite les faits divers même si j'ai du mal à m'assagir. Un rap sous sky, un rap suspect, un son pour nos cailles. Technique à la Cassius Clay. Foncé sur le mic vu que mon style de casse au splay. Pour Serki, 9-1, gueudin comme dans sous Spark, c'est crazy. Tu connais le blast, tu sais que c'est baisé. Ce contest, on finit brisé. Si ta lame, faut la maîtriser. MDB crew, bordel organisé. Les fans vont banaliser le rap, on l'a traumatisé. Trop style dans nos lyrics, trop de paille dans nos tessis. Je viens de là où les tasses P et MC sont tous écrits. Écrits par la vie, la rue et ses anecdotes. Tous déterminés à changer ces années folles. Pour mes frères de la rue, ceux qui ont les armes en main, qui vivent en mode crime pour faire manger leur pampin. Pour les frères à Fleury, mais Rogis, que des négros speed. Ambiance, ego trip, la vitesse et le ghetto crime. Quand Marianne me dit bonjour, on se check de la main gauche. Tatoué sur une pièce, je vois la mienne sur un lingot. Toujours côté en boucle, c'est si mon sang serait du pétrole. Nombreux seraient les pirates qui seraient prêts à me trouer la peau. One Piece, c'est la famille, légion urbaine. Pour mes faits divers, FK, plus de classe, et pour qui sert, je lève mon verre. 9-1, ma dîner sonne, c'est pour mes ruelles sales. FK plus 1. 2. Lumette de plus mis sur un piédestal. Tu parles qu'on en chie, on parle que de cheat de fric. Dis qu'on a chic, qu'on conteste, qu'on agit, qu'on compte nos chicots. Dis bâtard, est-ce qu'on t'a dit que si tu testes tes dettes, alors pétasse, est-ce qu'on t'a dit que t'es tombé sur un os dur. Cherche la constance, nous on posture danse. RATH, nouvelle posture, tu penses bien. Je fais la musique et puis les mots, compiler ça cause des mots. Ro, file donc la Nemo. C'est quand on te blesse, et quand je rappe c'est pour que je te blesse. Et si je trouve ta meuf, est-ce que c'est pour le sexe. Écoute ma tech, niquer le pitch pour la tête. Et si je kick une entrave, c'est pour sa peine. C'est toute ma presse, t'as sent comment je rappe, comment as. Je me place dans Shobi, je rentre pas parce que j'ai une course à faire. Et pour ma part, c'est pépère. Au bout du rap, c'est pas de la merde, car t'en demandes en rap. Ok, bande de pété, on vient tout péter. C'est qui invite le JT, enfant agité, on arrive cheaté. On vient représenter les blocs, les dollars et tous les frères et sœurs décédés. on est décidé. On vend des CD, disque de béton, y'a du parcours, on va pas céder. On fait du rap, pas du zoo comme Kassav. On sait qui sont les braves, ceux qui finissent dans la cave. Moi j'suis pas drôle et c'est pas drôle. Quand y'a pas de rime, j'suis pas né au bled, mais j'ai toujours sourire devant un plat de rime. On J.O.B. Ramer la platine quand j'suis OP. Pour toi c'est mort comme pour ma victime que j'suis au bas. Délire de fou, délire de gueudin quand t'entends Rick fou. C'est souvent sur la gueule d'un blondin au CB. Ouais c'est bon ça, dans ma poche j'ai un bout de shit. Vais ce qu'il école, mon truc à moi c'est le bon chat.